بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم والثامن عشر الطهارة البدنية والثوبية إن أمكنت إلى آخره كل بنان شرط بي لغي تامت بي شرط تامت دفاي دوجو سي بنان غروب بي شرط بيغا خا نون لا نيو ريغي سو مام داي دوجو سي غروب لي مانام كومبورتمان بي اك تيغي نيغا خا مانتنا مام غا ورا ام سي بير ويرد بي ما خا مانتنا ويرد بي لولو دا ورا اندك ويرد بي مانام لولو سو فكانتني امول سي ويرد بي ويرد بي سي بوبام دو مانا مانام ويرد بي دينا وير meedu mat manam lolou chartu kamal la bi chartu kamal la bi ni moy werr bi kon dina werr manam chartu kamal lolou mais chartu bi ci chartu dañ ko bolé ci chartu tariqa bi and ak ne chartu bi chartu werr bi la ci bopam parce que leglé tam il faut ñu différencier entre chartu bi nga xamantene manam day tax nga meuna nek ci tariqa bi ak charte bi nga xamantene dafa aju même bu fekkentene dañ koy tuddu ci charte tariqa bi mais dafa aju ci werde bi ci jëmmé bopam manam charte bi ci zikkar bi ci bopam la aju li nga xamantene mom moy kon fi fukel bi ak jurom net wa saminu ashar fukel bi ak jurom net mom moy at taharatu lab al badaniyati gay ko jug yaram wa sawbiyati ay ko jug yire li ko dug lambay sawbiya in am kanat ndem jappane da manam su fekenteene possibilité bi amna da nga wara sol yere bu lap niki nonu sa yaram dafa wara lap amma yere bu lap bi mom moy li nga xamantene su fekenteene amul du yak werde wi waye amma li nga xamantene mom moy yaram bu lap manam moy nit ki munul werr bo par contre sartu se xala ci werr wi manam nit ki su fekenteene moy lan taharatu badaniya moy comme liñu tuddé taharatu khabas manam hadas bok taharatu hadas manam moy labu tej manam moy nit ki dafa wara japp wala mu wara sangu farata manam mo xam kon lab gu maggi la wala lab gu ndaw gi lepp lo xamantene war nako ci meuna am mo xam dafa wara japp dafa wara sangu farata su fekenteene dafa amé janaba wala mu genn ci mbeureug ak yu mel non wala bok mu wara lap labu ndaw gi ke mom moy japp mo tat mu wara japp su fekenteene amuko mu dadi tim cependant fi tam am benen mbir mo xamantene matna bayyi xel moy jigen ji nga xamantene mom da fay amé mbeureugam mom comme que werde bi manam ngeneel gi nek ci werde manam muy zikkar bokut ak njangum alquran bi lolou ce qui fait que day delsat liñ do wax jowatu kamal ngeneel gi nga xamantene manam alquran sacré bi mu gëna sacré motax mom duko meuna dina meun manam duko meun di jang fek yorul fek dafa amé mbeureug quant à zikkar bi werde bi mom man nako su ko defé mom meun na werde meun na continuer di werde fek mu yoré fek mu amé mbeureug sauf que parce que zikkar bi du lolou lañuy téré sauf que du jang jowatu kamal waay bu boba dañ koy tanlo manam dañ koy tanlo mu meuna werd manam mu meuna werd ak bi wazifa ak di khadara lolou yep dañ ko koy tanlo comme voilà légui kon lab gogou nonou moy labuk yaram bi niki nonou amna benen bir bu dugg ci labul yaram bo xamantene mana bi ci walu taharatu khabas la manam bu an najasa la manam bu sobe la manam sobe bi nga xamantene day dal ci yaram manam mom moy su fekenteene yaram bi dafa am sobe bu ci tak tamit bobu daf ka wara dindi cependant bobu nonu ñak ko def du yak werr du waye charte kamal la wa yere bi tamit dafa dugg ci taharatu khabas mo yere bi wara lap mais yoy non moy su jappande su mu ne nek manam mais dafa bokkon ci respecter werr du ak jox ko geud parce que waxon na la moy bagn ko doye dal moy bu fekkante da nga tam li werde fek sa yaram wala sa yere dafa am sobe gu ci nek nga tam diko def te waron nga ko meuna def lol non day tektele ne yow da nga doye dal werde wi te bu boba day dal di meuna duggu day dal di duggalé ci benen côté bi mam day dal duggalé ci doye dal gi ci taxawul gi comme digene bi nga xamanteni dafa nek ci mbeureug legi mom buy werr après day werr non rek wala da koy jappal ahan kay day japp voilà mais japp lolou nonou japp lolou muy soxna ci japp lolou du jappal bi nga xamanteni daf manam bu farata la bu japp farata manam japp la pour meuna zikar d'accord te bobu japp mën na nek njap bi nga xamantene mom mo haram moy njap bi nga xamantene pour meuna julli la xam nga njap dafa am ñaari xet lolu c'est important ñaari xet la dafa am njap bo xamantene farata la ak njap bo xamantene du farata njap bi nga xamantene farata la moy njap bi nga xamantene mom lay jappul lu demé nek julli lu demé nek jang alquran lu demé nek tawaf kaaba gi ak yi nga xamantene dal munu mu ko def manam te yoruma njap yoy nonu njap gogou nonu farata la njap même djulli nafi la même bu fekente ne djulli nafi la bi du farata mais djap bi mako jappal farata la te ki fek bu fekete dama djap pour yoy yini djap pour lolu sama njap lolu meun na ci djulli bu djulli joté mais su fekente dama yini djap par exemple djap bo xamantene damay japp rek pour dess ak japp pour nek ci lab lolou du farata wala ma japp juste pour manam su fekkene dama japp pour yekiti tok kokku mom ak japp yi pour julli bi ñoyam bu fekkene dama japp pour zikar wala pour dem ziyare borom xoxam wala japp parce que par exemple dama ni ah man day ma nga japp ga mais damay japp wat parce que xeyna dama wax lu ñaaw wala yoy manam yoy yep day tax ñu sopp nga japp yoy da su wéga da dama japp wat ngir yoy non lool day waral sama japp gi manam duma ci mëna julli duma ci mëna def dara lo xamantene jappal farata moko wara ndax lan ndax yini bi la ndax innama likulli mri'in ma nawa gogo innamal a'malu binniyat def yep ci yene la aju legi munuma yene lo xamantene njap go xamantene pour farata pour lu geuna touti la ma meun ci am di ci meuna def lo xamantene pour farata la du meuna ne wala bu meune na japp pour teud nelaw tamit wala comme di boy sol yere bu bes wala nga koy simmi wala ngay watu wala yoy daño sop mu fekk la nga nek ci lap ngén na japp pour lool bu boba ndax bo munuma ci djundi manam duma ci meuna def farata parce que yene bi la ndax innamal manam lool mom motax parce que lool mom motax borom xoxo rahmatullah am def tekantal bobu entre japp yi nga xamantene njappal farata la manam li nga xamantene munuma def lool loolu njapp am manam lo xamne day necessité njapp bu fekke dama def lool yene ci loola loola day tax japp loola man na ci def lu ne waye bu fekke dama japp ngir lo xamantene yene manam lajul njapp bobo duma ci mana def lu ne yi nga xamantene duñu farata manam yi nga xamantene lajul njapp rek la ci mana def ci kaw lolou ci kaw lolou ndaw si japp bi muy japp kon jappul manam jappum lolou du jappal farata au moment où du jappal farata dana ci mana zikar wa du ci mana julli bobu japp nak du mom mo haram pour ki am beurek parce que ki am beurek njapp farata dafa haram ci mom ak cangayal farata dafa haram ci mom ndax lan ndax labul kon mom bu fekke ne dafa japp pour wone dafa lap lolou munul japp mun nek farata ci mom njapp yep nak amna ben njapp rek bo xamantene hein moy njapp li nga xamantene li tok njapp du ko tok ben japp la motax waro ko xoy dou kay fara di taxé japp bi nga xamantene mom manam ak li tok njapp lepp li tok njapp rek du ko tok ben la moy njapp li nit ki di japp su fekkentene dafa teud ak soxnam ba pare japp wat une deuxième fois pour meuna nelaw wala pour tudat ak mom wala yoy bobu njapp mom li to njapp du ko tax wa bobu rek la parce que après nit ki day soxla de toute façon pour mu meuna julli dem sangor farat voilà ayo kon won condition bi wa mom dafa lako dafa lambo ñaari lambo ak taharatul qabas ak taharatul hadas voilà ñaari voilà ñaar yep la lambo bi taharatul hadas bi dafa rañeku impurité matériel ak immatériel exactement ce qui fait que nit ki mënul werd bo xamantene sangoul farata jappoul ba pare timoul amoos ko mu baña am lu mu timé lool mom lañu tuddé mas'alatu faqidut tahurayn moy ki nga xamantene dafa ñak ñaari limu ñaar ñaari liñ mëna labé ñaari moy yi wa ñaari moy yi ñi labé moy ndox ak ak souf d'accord donc bu nekk ci condition exceptionnelle bobu wala situation bobu mom day werd rek munu de façon munu ta japp munu ta tim munul japp munul sangu farata ndax amul ndox munu ta tim ndax amul lumu timé koku day wer rek bu julli jot ak mu julli rek ba lolou tege ko lolou moy mazhab hanabilay rahmatullahi alayhi te mom moy waxu ibnu wahb ak ashab ci maliki rahmatullahi alayhi manam ak wala té wax joju mo gëna dëgër tamit d'accord ndax hadithu sayyidata akibi ndax ki sayyidata aisha bi radiyallahu anha moy biñuy wër bi taxam di réré ba tax ñapp tim wacc fekk ñoom julli woon nañ té timaguñu té jappu ñu ndax amuñu woon ndox ba xaya tim bi wacc ba sayyidna ki Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu nan ko ma hadha bi awwal barakatikum ya ala Abu Bakr ya ala li nekul sen premier barke yen wa keur Abu Bakr radiyallahu anhu yo sa tax mo reer gaay yepp taxaw nek ci all bi nang ta amuñu ndox yalla nit ñi julli te timuñu te jappuñ parce que tim ñewugul timuñu tamit nit ñi jappuñ parce que amuñu ndox ñu julli non julli gi wër waye yalla nak daal ni ah bu benen yone legi de len tim bo len amul ndox tim len fa lañu tecc wa manam mo ne manam yombal gi yep mi ngi amé ci yow sa taqarir li mom du sen fruit waye du sen premier barke yeen wa kër Abubakar rabbi allah te furna Sayyidat Aisha radhiyallahu anha soxna yenen tibi la sallallahu alayhi wasallam mais wax ko ne ko yeer wa keur yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wa keur Abu Bakr radhiyallahu anhu mais lolu nonu xewon ci jamono joju mom moy parce que day tolok ki nga xamantene amul ndox ni amul tim parce que le fait amul lu mu timé parce que le fait que jamono joju tim waccu won lolu mo ki nga xamantene meunta tim ñoon nonuro ki meunta tim ak ki nga xamantene tim manam permettre ñu ko mu meun ko def ndax existé wul loi bobu kok ñom ñaar ñoy am au moment où mbir mi non la démé nak manam kon voilà ñom duñu japp manam du japp du tim ba paré day julli par contre day julli té jullum day wër té du reprendre alors que maliki rahmatullah alayhi mbor manam danaka sax lol moy wax ju gëna ci yuti man ci ma sax bi moy ñom dañ ne du japp du tim ba pet du julli té du fay parce que dañ ko natalé dañ ko tollolé dañ ko nurolé ak ki gis mbeureugum ki gis mbeureugum mën ta japp du mën du tim manam le fait que mu am ngant ba tax warta mëna julli moy labam gogu ñu motax kon du mëna julli kon bu boba ñu téré ko julli niki nonu bu julli gi fess way so tamit du ko fay ki gis mbeureug non la mel mom lañ ko qiyasé mais qiyas bobu da ngay gis na amna différence qiyas mal faarek la différence bi moy ki ni mom la ñak labam nekul lu sax ci mom comme ni mu saxé ci mbeureug manam du ba paré benen bi ci dess mom moy qiyas bu fekkante ne texte dafa ñew da yaq qiyas il faut texte bañ ci am mais qiyas li tax ñu ñukoy yonal moy bu fekkante ne amuñu texte bu mëna dëgeural mbir mi mais bu fekkante ne mëna amna texte bo xamanté ne mëna dëgeural mëna taxawal mbir mi qiyas day da dakk dootu mëna nekkat voilà amma hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañ ni day julli mais manam no dañ ni du julli mais day fay du julli mais day fay lutax du julli parce que amul ndox amul lu mu timé kon mom dafa ñak limuy la mais te borom subhanahu wa ta'ala dafa ni bo len day jog du yaay la gëna amuna iza qumtu bis salat dal ni fakhsilu wujuhakum et cetera ba ay ba jeex manam moy ngeen japp wa in kuntum junuban fatahharu bo len amé janaba moy sangu farata bi wa in kuntum marda aw ala safra ja ahdum minkum min ghad aw lam sumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu manam kon mu joxe tim ak au cas où lay amul comme que cas bi moy lay amul manam kon bu boba du julli kon ce qui veut dire que legui kon cas de figure yeb presenté wu ne amuko donc du julli mais nak day fay parce que julli sulu rete donc wara fay lol manam ñom ni ci def chafé rahmatullah ñu ne dele tankay day julli mais day fay après ndax jullem bu ñëkk gi moy heure bi motax moko waral ne fay gi nak mom moy jullem ge daf ko defon mais circonstance ko defon baxul won mais day fay tout de même kon day fay manam ñom ñep bo xolé presque day wër lo ci ay bi mais ñi nga xamne deug ñom ñoko japp mom moy xane fi harabilay rahmatullah parce que ñom ay bi bobu exactement circonstance yi mu wacce moy deugereul ne kon dafa wara julli te du fay ba pare mo depp ak ruhu sharia al mashaqqatu tajlibu taysir khat be indi yo mo depp ak ruhu sharia deng kon manam dal werd tamit nit ki munul werd te amul manam munta werd te fek amul amna manam amna ndox amna lu mu japp amul wala bok lu mu timé bu fekente lolu mom la budda day japp wala mu tim su fekente ne cadre figure bi mu wara timé présenté wona mutim sino werd bi du bax lolou mom charte la kon day tax werd bi du bax cependant werd ak julli wouté nañu werd ak julli bokku ñu gep manam ñom ñaar même boudé nuro nañu ci yenn yu bari sauf que am nañu différence lolou mom motax jigeen bi ñukoy permettre muy mëna japp pour mëna julli pour meuna tim té duñ ko may mu japp pour meuna julli su gisé mbeureugum non mu japp pour meuna werr la bëgg wax meté duñ ko permettre mu japp pour meuna julli su gisé mbeureugum julli gi day haram ci mom werr hmm japp li day haram ci mom sangayal farata day haram ci mom hmm wala ñom ñaar yamu légui niki lolu manam le fait que ñom ñaar tamit bokkuñu lolu mo motax mu am tamit différence gis nga ni mu amé différence entre julli farata ak julli nafila ba tax sax am yu ñu permettre julli farata té kenn duko permettre julli nafila non la amé différence entre julli entre werd bi nga xamantene farata manam werd bi ak julli ci bopam ñom ñaar tolo wuñu motax mënu ñu leen tolo la d'ailleurs werd yi sax bo leen xolé dañ leen acc julli gi ci heure yi heure julli bolen bo bolé le fait que comme li même amna ben masala bo xamné gis nañu wa tariqa bi par exemple radhiyallahu anhum dañ ci wouté moy ndax buñ la nuyo da nga fay xam nga julli tay buñ ñëw na assalamu alaykum do na alaykum salam fek yaangi julli alors que boy wér la amna ci wa tariqa bi ñu wax né comme borom yaqutatu farida duratul kharid plutôt anna zay fi radhiyallahu anhum da fay wax lool da lay manam buñ la nuyo da ngay fay parce que werr malgré limi for mo djullu yamuñ mo xam tane do fay nit ku la nuyo te nuyo fay nuyo farata la par exemple mais lolu du waxu ñep d'accord voilà mais rek c'est juste pour wax la ne la ba paré lim wax dani parce que werr ak djullit batay tolo nuro même boudé dañu djégué wanto batay nuro djuñ ben té effectivement suñu masala bi ñu nekk ni doyna ci léral moy jigen di may nañ ko mu werr day wosufa day xadar bu fekkenté dafa gis mbeureugum té djulli même bu fekkenté ben sujjot kessa la mënu ko def ben rakka rek mënu ko djul hatta njapp lim len jappul sax du ben deng wa tasu 10 fukel be jurom ñent wa taharatul makan moy lawu beurep place bi ngay place bi ngay werde da fa wara lan da wara lap budé wosifa la da fa wara nek lo xamantene par exemple ci jurom ba jurom ben fu jurom ben nit xat ci fi nga nek ni da fa wara nek tamit lu lap lol tamit da fa bamou dess so nek ci baytu khalwa budé ci baytu khalwa nga nek mom bu boba lolu fofu moy cadre figure biñ ko dindi du comme li nga xamantene tamit mom la aji wax di wax ne bu fekkentene da nga nek ci manam keni place bobu nonu so nekke fo meuna nek baxna et que li ci am solo rek mom moy côté bi manam moy comme tay ku nek fini et que djuroom ben place buñ ko natale won rek lap mu lap lolu dana doy ak fo meuna ak manam même bu fekkete ne ci ginnaw la nek manam comme tay bu ma nekké ni par exemple wonak yi nek ni sama kanam juste ni lol dana bax parce que li ci am solo nekul lol dedet mbir mi demou ton ni mu demé moy fi ma tok man dama wara vérifier bu bax que ni fi juroom ben nit meuna nek ndax latna wala labul lolou moy sumay wosifa ndax ta lan ndax teway yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñent khalifa moy khalifa wa rashidine radiyallahu anhum wa radahum an nabiyyi ak sir ahmad tijani radiyallahu anhu radahum an nabiyyi moy juroom ben place yi ngay bayyi xel yi ngay japp bayyi xel lolu yoyu parti bu place bobu dafa wara lap mais baytu khalwa comme day faral di touti lolo tax ñukoy permettre ci baytu khalwa mais fofu lañ ko permettre dëdë day lap mais place bi baña xat xam nga loolu limi fi muy jarigné lén rek la moy place bi nga wara wosi fa dafa wara yaatu tuti warul nek place bu xat d'accord loolu lay tektalé bu exécuter voilà d'accord mais lap bi mom ah lap bi mom day lap mo bayt xalo sax bu lawul do fu mëna né yow mais tuti way bi mom moy tax ba duñu la wax ne la dafa wara yaatu ba mat jurum ben place ñu mën fa tok jurum ben nit mën fa ne plus duñ la wax la tamit ne la il faut nga vérifier ci biti ndax laap na wala laabu niki nonu tamit ku wax ne dañuy ñew ci seen roox rek mais duñ ñew ci seen jëm lool tamit wax do ñu wërut sino sudul loolu mo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam roham présent fepp lolu wala lolu amul ben différence entre ki wosifa ak ki dul wosifa kon ki hadara ak ki dul hadara amuñu différence bo boba deung kon place bi dafa wara la lolu day duggu tam ci taharatu wa mais ban ci xet ñaari hadas wala khabas khabas tahara sa khabas deug kon lol mom moy benen lolou benen charte la d'accord mais ñom ñaar dañuy andé à chaque fois lan moy labu yire mais ñom gissoo daf leen tékkalé da leen tékkalé mais malgré que da leen tékkalé en réalité da tegalé wa mais da len tegalé wa tamit manam lab gi dafa manam ñom ñaar daño différence c'est que ginnaw bi nga sa yaram ak sa yere moy li takko ak yow lab na li takko ak place bi tamit da wara lab wala manam muy ñaar yu wuté and ak né même bu len defone ben sax dañ xamné mais le fait que ñom ñaar ñu mëna différent parce que sa yaram ak sa yere ñom ñaar daño dañu jégué wantu dañu takalo ak yow place bi benen affaire la place bi yaay ñu fekk ko fi yow yaay mëna déplacer wu di dem di gis né fi ki wul nga déplacer wu dem fenen et cetera dengo wal mu fi li matal nak ashuruna fa ñaar fuk ci charte té moy al julus jotay manam tok واستقبال اك جبل القبلة قبلة الا لودول لسفر نيل توكي ولو دونت قريبا لو جيغلا جدا لول اول بوكانم نيك في جماعه تيمبورو كيتام بنن شارت لا بو خامتاني شارت ويرد لا مي دنجكو بوله صح في طريقه بي في شارت طريقه بي تاخ امبورطانس موي ويرد تابي دو ديف نولا نيه غي ويرد فولا نيه غا جبل ويرد wala ngay dox ci mbedd mi di wer da di ni di wax ak nit ñek yoy ak di retane di tourner di comme niñ koy gisse inshallah lool du benen affaire mais di bëgg di yor sa course ci mbedd mi ngay dox di wer da parce que tout simplement da nga tayel rek tok sax tok rek wer tok rek ak sa digënté ak sa borom nga wer rek dang ko tayel da na damay xaar ba dugg ci metro bi toga tambalé wér manam parce que defo dara ci metro bi defo dara donc da ngay annuyew mais bu fekkante ne yaangi tok ni yow kessé nga wara wuyut ak sa borom rek lolou jaralu lako ba wala c'est à dire que yoy aussi c'est ay forme de réalité le motax yi am solo bi ni manam que ni wér da ngoy da ngay tok nga wér ba pare da ngay djublu qibla charte bi nak haqiqatan du charte bo xamantene tamit charte sihha la manam du tax ne kiñ ko def dañ nan ko sa werr du wirul du tout mais nak dina wañu lu bare bare ci madat yi ci njariñu werr du wi ak ci lim ko meuna indil dal werr du mais bu ci saxé mom day tektale ak doye dal werr du bu ci saxé day tektal doyalal wér lool d'ailleurs mom moy sens bi tax sax ñu indi ko fi parce que lepp luñu wax fi ni charte kamal la haqiqatan bu ko xolaté deug deug di nga gis né à un moment donné day nek charte sahha ndax le fait que nga sax ci ñak respecter lool day wone ni nga doyé dalé tariqa bi ni nga doyé dalé soit sa digënté ak Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wala nga doyé dal tout simplement yoon bi ci bopam manam yoon nitu yalla bi ci bopam ba tax par exemple amo ben rigueur par rapport ak djel gi par rapport ak et cetera wala bok tout simplement day tektelé doyé dal gi ngay doyé dal manam lila cheikh jox moy werde bi radiyallahu nga xamné mom moy comprimé bi nga xamné fa la def garab gi lay fajj comme buñ jëlé exemple médecin bék patient bék yoy comprimé bi mom la def garab gi lay fajj manam mom madat bék yépp ci biir la ko doser walé ci werde yi werde bi mu la jox mom fa la ko doser walé moy traitement bi ok donc lolu mata baye xel faut pas que ñu négliger point bobu c'est très important donc yi ñuy wax yépp ay shuruut lañ yo xamantene boko yagge négliger day mi ngi melni rek li ñuy wax kacior xam nga kacior moy ki nga xamantene da fay sax ci da fay def bakar bu mag wala mu sax ci bakar bu ndaw koku mo lañuy tuddi kacior waaw moy pervers ci tuba manam sans bi liñ koy firé ci manam lolu moy dafa am ay xéeti doxalin yo xamantene parfois sax mbir mën na baña haram totalement nit ki sax saxoko mu tekkela kacior mu tekkela ak kacior moy ak fisq en fait fisq moy gennu top mais en réalité baax gennu top baat fisq teke ko gennu top xeyna sax du vrai sens bi mais limi tek moy beut yoon fisq lolou la gëna tek moy beut yoon mo tax gis nga baat nafiq manam munafiq ak fasiq ñaari baat yoy avant l'islam di ñu sharia bi avant muy ñu amul won manam même wa makka sax xamuñu ko baat bob bi gaay deme medina biñ deme medina ci lañ commencé ñaari baat yoy commencé feñ ñu commencé xam lan lay tek nafiq manam ak fasiq fasaqa moy nit ki genn mais moy beut yoon manam tay buñ defé ben ñek wala tay ben mur ni kër gi nit ki di fi dugg wala mu fi genn té jaarul ci buntu bi mu jël ben fenn rek door fa bëres xar ko jaar fofa wala ñu ñek tool yi ni nit ki beut manam wala ben yoon nek ni nit ñi wara jaar ci yoon yi xamni buntu kër yi fi la ne mom jaarul ci buntu yi ci buntu kër gi mais mu tepp mur par exemple ak yu mel non lolu moy manam yo fi jubé di la xam nga lolu mom moy kacior baat fasaqa lolu lay tek moy nga beut yoon manam yoon bi dafa nek ni nga beut ko jaarulo fi nga wara jaar pour genn mais nga beut fo xamantene waro fa jaar ñak wi nga beut ñak wi lolu mom moy fasaqa moy fasaq légi nak ki nga xamantene mom moy fasiq motax borom xam xam yi rahmatullah alayhi buñuy wax ku mandu moy adl buñuy wax al adl moy nit ko xamantene wala bok ko xamne du fasiq parce que adl dafay bolé wala benen moy mu baña nek ci luñu tuddé kharimul murua moy luy xam tane day dindi ay bañ gatch ci nit dafa am yo xamantene tam bokoy def même bo nekul kacior ni le fait que nga diko def day tax bu do wour moy sikka gi day tax do wour même boudé du bakkar mais lool du lo xamné lool ça dépend lool day dépendre ci société bi ngay dundou ci yoy voilà moy fiabilité bi ngay mëna dégager mom le fait que nga nek même bo buñu dindé sa caractère du djub nga djubo sax nga am ben loy dégager comme fiabilité xamna tay bu fekkonté dañu ñëw fi ni di def ben émission ci télé bi ñu daal ni dañuy inviter ben par exemple sociologue mu ra wara wax ci yenn événement xew ñu sociologue mu da waaw mu voilà mu daal di ñëw sol tiayam téngaade ak yoy ñëw top gaay buñ ko gisé rek buñ ko wul manam duñu wul waaji war na xam affaire bi ah oui parce que du leuy parce que buñ koy xol rek ni ah non waaji war ta xam li quoi parce que dañuy gis né ñi faral di xam affaire bi duñuy faral di melni manam portrait duñuy faral ba dañuy faral di sol ay costume cravate xam nga tok di lak tuba di aral xam nga et puis développer quoi voilà kat gogol donc lolu tamit dafa am importance ci donc côté bobu buñ waxé commande xeyna du côté bobu lañ wax lolu ci ci walu sikar lañ wax manam ki bi quoi ndax wu ki bi mais par contre kacior moy ko xamne kon da fay def bakar bu mak mais lool moy modiko def te neppu ko nit ñi gis ko lool mom moy kacior wala bok mu sax ci bakar bo xamne bakar bu ndaw la mais le fait que mu koy répéter moy yegle parce que kacior rek lool la manam le fait que mu koy répéter moy waré ni ki diiné mom amul doolé ci xol bi manam am joxu ko considération manam lolu mom moy wané ni kon ki am kacior la yaangi dég manam niki nonu tamit lolu fini manam charte yi ñuy wax même bu fekkata dañ wax ni charte yi du charte kamal charte sikhala le fait que dañ ko respecté day tektalé quand même à un moment donné que ni ki joxul tariqa bi ben geud jox ko ben importance parce que suko joxone importance tant soit peu dina am yo xamantene dina ko def dina samonté ak mom comme le sayyid al arab ibn sa'ih radhiyallahu anhu gis ni ño xamantene mune ñun ñiñu gis ñep te ñu fonk tariqa bi amul kenn ci ñoom ku ñuy gis muy werde di dox wala di ki jamais abadan tout le temps buy wer day tok te mom lim la wax voilà koy waxe tak ko dire wa ñi mu xam ñep loolu lañu def ñi fonk tarikha bi parce que tamit loolu la hein voilà légui kon kon mom moy tok bi ak djublu qibla bi tamit qibla djublu qibla li ci nek ci njariñ li ci nek ci ay parce que le fait que nga djublu qibla xaba gi lool rek xéetu jaamu yalla la koku rek ben xéet la ci xéetu jaamu yalla donc té comme boy djulli et cetera da ngay djublu qibla ki nonu boy wer boy zikkar da ngay djublu qibla dëng mu ne illa li safar ba mu dess soule da ngay tukki boy tukki rek lool dañ la koy permettre comme julli nafila so tukki mën nga baña djublu qibla comme niñ ko xamé par exemple lool benen mbir la bo xamné dafa différence la bu am entre julli farata ak julli nafila julli farata mom mëno abadan nga baña djublu qibla su féké man na né alors que djulli nafila même bo mané nek sax mën nga djul baña djublu qibla parce que da ngay nek di dem mo lol nak moy ki nek ci war way wi di dem wala muy dox di dem mais pa ki nga xamantene mom dafa tok mi repos am ak yoy kokko mom la bu da lay djublu qibla walaw qariban donte dafa jégué jiddan lool fi benen mas fi benn masala mo fi ñew mo fi am moy différence la tamit bu am entre tukki tukki ban distance moy am ci tukki pour julli meuna bax manam nga meuna wañi sa julli ak nga meuna dok sa koor lolou dafa am distance moy masirata yawmin wa layla han ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou la bayyi xel ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou la bayyi xel moy masirata yawmin wa layla moy tukki goudi lu tolo goudi ak beccëk mais lolou manam moy voilà jour beccëk ak goudi lolou nak moy distance bi mais lolou day tolo buñu jëlé gilem ci jamono yoyu moy tukki lu tolo nonu distance bobu la lolou lañu tek donc ci distance bi lañ koy natte mais kenn natou ko ci lan ci temps bi ce qui veut dire que ni tay buma don dem New York même bu fekente ne temps bi beuriwul mais le fait que may ne manam le fait que distance bi epp lolou ci jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak ci deuk bo xamantene manam gillem da fay daw normalement lolou mom moy mom motax ñuy wax ci période bu digu doomu tamit tangul lol seddul lol lol nak a peu près day tolok environ 75 km japp 80 km donc distance bobu la mom moy masirata yawmin wa layla d'accord ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam lol la waxon la yajuzu limra'atin wala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha dhu mahram hadith la bu nek ci ñaari sahih yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne du dagan ci jul ci jigen bu gem yalla gem bis bu mujju bi muy tukki lu tollo goudi ak beccëk distance bobu distance bi ñu daw du goudi ak beccëk te andul ak ko xamantene mahramam la manam waaw bo xolé hanafiyyi rahmatullah alayhim lutax ñom ñu japp ne ñetti fan la ñetti goudi ak ñetti beccëk moy ñom dañoo top riwaya hadith bi wax ne ñetti goudi ak ñetti beccëk mais buñu xolé le fait que riwaya bi gëna sax ben moy bu masirata yawmin wa layla gëna sax ben ñaaral bi mom moy le fait que temps bi nga xamne manam temps bobu gëna gatt donc distance bi gëna gatt donc loolu mom moy li nga xamantene moy li gëna woor mom moy li ñi gëna japp loolu tax masab maliki shafi hanabila rahmatullah garde masirata yawmin wa layla moy distance bi mala wax sank environ 75 japp 80 km ce qui veut dire que nit ki su koy tukki loolu lañuy permettre lañuy tuddé tukki quant à li nga xamantene mom lañu bari ñen ci wahhabiti wala yenn xéetu comme ñi nga xamné dañuy wax né distance bobu nonu taxawul nangam surtout ci ñom lay souvent ci ñom la nek lañ bok na amul ben distance bu sharia teural tukki rek lañ wax alcorane tukki la wax et cetera lool likoy dajju dafa simple yenenti bi sallalahu alayhi wasallam dem na uhud té waxu ñu né wañu na julle xandaq genn na dekk bi té waxu ñu né wañu na julle et cetera manam kon amna ay beurep yo xamanteni genn nako dem na khaybar khaybar té wañu wul julle donc su fekente né distance yoyep wañu wul djulem mais jour yi moment yi mu wañ ay djulem rek moy comme bu deme makka mi dem tabuk et cetera manam fu sori ci lañuy xamé ni kon amna distance minimal comme ce qui veut dire que ni wax joju nonu ñom ñuy wax lool wax joju degeul parce que ñom dañuy wax né amul dalil comme niñ koy faral di wax lool amul ben dalil mais anké amna dalil parce que dalil bi moy le fait que ñu sétlu yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ni mi faral di doxale ñom le fait que yent bi waxu directement rek lool mo la jaxal mais en kay wax nako parce que le fait que déjà ñu gis né tukki na ci yi mi té wañi wul won djulem banu quraiza bim dem na fa té wañi wul djulem et cetera han yow mu xandax gis nga julli daf ko julli julli yu mat et cetera donc ci lañuy xamé ni lolu yeb amul amna distance bu bo xamantene mom mom bu minimal la légui distance minimal bobu buñ ko bëggé trouver ñom tamit dañuy wax né yénnati bi sallallahu alayhi wasallam waxuko kon dañuy bay mbir mi ci sossam mais dañ nal en kay le fait que mu né mu at mbir ben até ci tukki ba para mu at ko ci ben distance buñu xam moy wone né distance bobu nonu lañuy bayyi xel effectivement lool moy wone né ba para buñu xolé fi mu wañé ay jullem ak bolé len lu démé néké hein bi mu démé makka lu démé néké tabuk est yoy dañuy gis né dafa gëna sori masirata yawmin walayla manam distance bobu ñu ñuy daw digënté guddé ak bëcëk kon loolu yëpp moy tektélé né kon loolu moy distance bi nga xamanté ni mo moy distance minimal légui nak loolu ben point la bé loolu mom moy julli ak wor amma tariqa bi du loolu até bi demout non tariqa bi boudé tukki bi lumu touti bo génné dëkk bi rek da ngay daal di commencé da ngay daal di mëna wañu tay bu mo nit ku doon dem chambéry wala jivor sax fi wala moy dëkk yu ndaw yi nekk ci autour rek day daal di mëna wañu jullem day daal mëna wa astaghfirullah day daal mëna werde ci yoon bi comme bo lende dem ci Jean-Luc ñom fofu wala fay dem par exemple da ngeen di mëna wañu seen jull seen da ngeen di mëna werde ci yoon bi manam kon lool la manam bu ay ville france et cetera mo fi foy dem rek da ngay wañ rek da ngay daal meuna wañ sa jull ku jige pikine di dem dakaru day meuna werd ci yoon bi ak yu mel non mais kiko dul man moy comme par exemple tay ku dugon fi di dem villeurban parce que ci même deuk bi lañ ne wala wala garde vers wala venise lool koku du wañ wala du werd ci yoon bi wala du werd ci yoon bi manam du mom dañ koy tek tamit li nga xamantene mom lañuy tek ñepp par exemple tay ko xamantene tout temps par exemple buy liggéey day génn dëkk bi par exemple tous les jours koku mëna werd ci yoon bi tous les jours ben daan du ko ci fek au moment où tek manam ci bi règlement bi li la umma loi bi ni la règlement bi ni la bo xasse genn dekk bi rek ba genn dekk bi man nga wer la mais il faut nga genn dekk bi comme julli tamit bo genn parce que bo gennagul dekk bi ba legui worugul ni yangi tukki comme tay ku nara wor ne par exemple ne way damay tukki tay ko feek demul tukki ji du dok koram parce que il se peut que am lu mujjé xew ba tax tukki wul te gënë dëkk bi dernière habitation dernier voilà quitté dernière habitation gis allo na fi exactement moy gënë dëkk bi voilà donc lolu moy délimitation dëkk bi voilà moy voilà ñu xam nga légui gënë nga commencé nga gënë nga kër yi légui fi allo bi ngay dugg hein mi ki nonu jigen ji gis mbeureuk mom bu ne par exemple ah suba de damay gis samay mbeureuk comme suba duma wor ah bu demé non il faut que mu xaar ba mbeureuk bi genn ñew mu doga day yene wor wa day yene wor ba kérok wa yew wor ba kérok mbeureugam yu genn mu doga lok parce que lone motax parce que il se peut que mu bañ ki d'ailleurs lool moy même atté bi pour kituki julli manam ki nga xamné dafa fébar ki nga xamné dafa fébar par exemple ñu julli aljuma jot dafa fébar mën na baña dem julli ji ci juma ji ba dañ ko koy téggil mais du arrêté du julli mom fék gaay julli wuñ ba paré parce que lutax parce que mën na wër ci digënté bi bu wër ci digënté bi rek julli wara dem juma ja war ko yoy yep manam lool la ga yoy moy ashbah wa nasair manam moy yi nga xamne dañu nuro ay atté même buñu bokul ki dañu nuro ay atté mais kuy wëddu ci yoon bi bañon bañ muxtar wëddu bi rob wa koku mu na wëddu ci yoon même wa parce que wëddu bi charte sih li charte kamal la manam tok bek djublu qibla bek yoy charte kamal la mom lañ doon wax manam comme ci situation yu melni mën nga ko def mais li ni bañ nak moy nga nek ko xamantene de manam xeyna tayal comme nit ñen ñi di def nga xamantene buñu démé ki digënté par exemple buñu wësi veni gaay tok ni ñaan biñu ñaan ci digënté bobu ci lañu def seen wërna ak yu mel non wa ak tamit buñu génné ci jaaké dini di dem ci mbéd mi ci lañuy wër ba pare ku ñu romu nuyu la waxtaan ak yow wala ha da ngay gis da ñi ngi werd Allah deng awwala bokana mu nek fi jamaatin ci mbolo ku nek ci mbolo tamit ha señ bi wa est-ce que charti avant cheikh omar radiyallahu ta'ala diko bind est-ce que li manam jabono cheikh na tidiane radiyallahu cheikh waxon nako d'une façon claire et concise wala est-ce que cheikh omar moko ñëk bind ni teurul ko di def ko ay chart mu leer mais waxon nañu ci biñuy xam biñuy tambalé la wala avant waxon nañ né chart yi amon nañ sauf que ni mu nekké ordre bi ni lolou waxon nañ ko biñuy tambal ci né bi voilà né ordre bi ni mu nekké ni manam cheikh omar dal moko ci def d'ailleurs ñi ñew ci ginnawam dañ koy toxalé mom comme nim ko défé mais sauf que ñom dañuy def parfois yeen précision yi manam li ñu fi ni wouté rek moy précision yi ñi teural né yi charte fi xalé yi kamal la et cetera bo gisé cheikh omar dal yépp def ko rek def non sans mu préciser yen ñoo ci charte siha yen ñoo ci charte kamal précisé wu benen bir bi nga xamantene matna bayyi xel nak moy tariqa bi amul ben loi bu ci kenn am droit di teural ba muy dindi cheikh matidiane radiyallahu anhu mo def lepp ci ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam amul nan par exemple diw mom comme amna ciir ci tariqa bi rek mom mën na ci wax nangam ak nangam ak yoy ak lum ci wax rek nona la dedet affaire bi lu demé non comme julli rek tay kenn mënul ñew naan comme diw mom amna ciir ci diiné ji kilifa diiné la mom lu mo wax rek ci affaire yi nona la amul tamit fek mu delu ci li nga xamantene mom moy hein voilà moy lu jëk la manam ci source bu jëk bi tariqa bi tam non la demé cependant cheikh omar radhiyallahu anhu ligé bi mu jëk def bi mu def té lolu mu moko jëk def ordonné ko ni moy le fait que mu tek ordre bi nga xamantene affaire yi tassaro won par ci par là mu dajalé ko tek ko d'accord ba paré énumérer ko ni voilà radhiyallahu anhu sauf que dafa préciser wul mais manam yi nga xamantene mom motax ñuy préciser lool nan bi ci yi la bok bi bokul ci yi ak yoy parce que mom bo xolé début bi par exemple yu ñett yu ñëk yi nga xamantene mom moy yi tax mom nit ki mom du day lool du ci mëna nek ci tariqa bi par exemple lool mom moy yoy moy yi nga xamantene mënu ñoo ñak yoy moy yi nga xamantene par exemple mënu ñoo ñak comme par exemple baña boole werde bi ak benen werde bañu japp cheikh ba paré japp kenen hein ñaka ziar bi ak yoy nonu wala waaw no jele ko wor mom boko defu da nga dugugul wala xam nga yoy nonu par exemple yoy moy yi mënta ñak mais manam yoy mom day lolu ñak ko respecter day tax nit ki dok ci sasi immédiatement alors que par exemple lolu bo lolu degré boku tolowul degré par exemple ak charte bi ñu nek ni effectivement tolowu ñu degré lolu mom motax bo fekente ne xamé wulo différence yi am entre charte yi ne ñom ñep tolowu ñu degré dafa am yi nga xamantene mënu ñoo ñak yoy mën nañ leen mën nañ wax ay usul lañ ci shuruté manam ay comme dañuy taxaw taxawayu fondement comme pilier ay arcane lañ d'accord yaangi deg mo am yi nga xamantene ñom ci ki ci charte yi mën lañ leena wax ne charte bi charte ci furu'i lañ bok même bu fekente ne ñom seen biir tolo wuñu degré yi day nek charte sahih yi nek charte kamal yi aju ci werde bi yi aju ci digënte bi ngay am ak sëriñ bi yi aju ci et cetera mais ñom ñep tolo wuñu degré d'importance tolouñ degré ñom ñep dafa am yu gëna important yenen yi comme tay par exemple mu manam comme ni wër bi ni mënuñu ko tolole par exemple ak masalan ñaka manam di joxe ndigal di joxe wër té amo ndigal ñom mënuñu len tolole. Parce que B, il y a des gens qui sont dans le alors que B n'est pas dans mais sauf que si tu as des gens qui sont dans le monde, tu as des gens qui sont dans le monde, tu as des gens qui sont dans le négligence. Négligence, c'est ça. Par exemple, des gens qui par exemple, Madad Beg, yoy non, manam lolo moy so beugé mbir mi jariñ la deug deug comme lu démé nek wér manam di wérde fekk yaangi djublu qibla yaangi tok. Lolu par exemple ñak ko respecter daf lay day wañi rek madad bi day wañi ndariñ gi et cetera bokul nak ak par exemple manam li nga xamanteni de mom moy par exemple ñak lor talibi comprendre ñom ñaar tolu wuñ dafa am yo xamne ñu gëna fort yenen yi ci dess da yu gëna deugër am yu gëna ki donc lolou tamit lu mata baye xel la difference bobu non lolou mom motax ñi ñew ci ginnaw ñen ñi di tamit di insister di gëna xotal bir mi ci wa côté bobu d'accord lolou tamit day tax benen day jariñ benen affaire moy nit ki nga xamantene mo koy yakar na lolou yëpp waxon nañ ko ci début bi manam nit ki nga xamantene mom moy ki wu tariqa bi manam moy yor gérer moy mo nek ci tariqa bi wala bok ki par rapport ak mu yenen mbok talibé ak yoy mu am plus d'indulgence manam muy gën di am ben ubéku indulgence manam djéggal manam ak manam di baña manam baña am ben fermeté bi ci yaakar né nit ki mom comme deful li té lolu charte la rek kon dok na ci tariqa bi affaire démé wut non aussi. Voilà, c'est-à-dire que dafa am yo xamantene mom c'est sûr que mom nit ki da ci dok comme yiñ waxone ñett yoy comme lu demé nek di joxe ndigal comme lu demé nek di lor talibi te sax ci nek ci comme lu demé nek muqaddam bi nga xamantene par exemple day joxe werdu bi te du joxe charte yi ak ñu mel non comme yu demé nek manam di meuna manam par exemple am occasion di meuna wosifa di hadara ak yoy mais di raté ay hadara rek sa yone ngay raté di raté te hadara xam nga do ko fay nga koy raté di raté sa yone ba paré nga koy def ak sa volonté bu yagge lolou meuna la dag wala ñak ko doyal mais lolou su yagge la c'est que manam du rek né waji da ka ki rek da négliger ni rek kon day dag mbir bi demi wut non plus parce que tamit werde lolou important la moy werde soko raté dang koy fay kessé d'accord le fait que ñu nan la dang koy fay moy tektélé mais ñak ko def dagul ci tariqa bi effectivement parce que su ron dalay dag ci tariq dalay dog ci tariqa bi kenn du na la nga fay ko dañ na la demeul nga jëli ji wa tariqa bi comme hein wa lolou wa lolou mata baye xel legui fi ni mbolo bi muy wax manam buñu nek ci mbolo moniko raw kana fi jamaatin wala bok ñu nek ci mbolo manam djublu qibla manam kon ak tok du nek manam tok gi day nek hein condition mais djublu qibla bi du nek condition bu nit ñi nekke mbolo nek ci mbolo nak limi teki du werd ndax werd yow kisse ya koy def wazifa lay teki ak khadar wazifa ak khadara ye fook bo la nekke ci mbolo da ngay manam duñ la chartal nga djublu qibla façon yi nga xamantene nak mom lañu toggé ci wazifa dañu bari mais mën na fi leena teunk ci li rek bu ñëkk bi mom moy wër wërlo moy mu nekk comme cercle wala ñu def carré d'accord wa wala rectangle manam nonu non mën nañ ko défé non bérel bi ci dess mom moy ñu neuf ñaari range yo xamné dañuy jakarlo moy ñettel bi legi ñentel bi te mom moy bu mujju bi moy ñu tok tok go xamantene manam dañuy toge mo xam ben sappe lay ay sappe lañu def comme ni ñuy julé ni ñi défé sappe après sappe ci ginnaw après sappe bu dé xatné lolu soit nonu wala tout simplement manam même bu fekkete du sap du range bu juk mais mu nekk bu demi cercle yu démé nonu ñi après nekkat demi cercle ci ginnaw wala yoy yoy mu ñom ñoy façon ñent yoy la ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñoo existé ci façon yoy yépp nak benn bu ci nek saxna té bu ci nit bu ci mbolo def baxna sauf que dafa am ci wa tariqa bi ñuy wax né par exemple li gën mom moy ñu tok wër manam mu def cercle pas sax ki pas rek sax mu nek rectangle mais mu nek cercle mo gën bu ko defé ñepp kenn ku ci nek manam mëna jakarlo mu xawa jégué pas exactement parce que lolu amul ci aduna comme ni ñu wax ikhwanana ala surri mutaqabilin ay mbokk yo xamantene aljana ni ñuy togué nga xamantene dañu nek ay mbokk yo xamné dañuy jakarlo mais lolu xam nga en réalité amul ci aduna aduna mëno le nek yeen ñepp kenn ku ci nek jakarlo ak morom muñta ne mais lol ci xayal la bok mais alors que manam dal ñu jakarlo bi peut-être mo gën ak tamit le fait que jakarlo julit manam mo upp doole nga jakarlo kaaba gi wa ah fofu nonu sa bi ko boko talibé be nek khibla moromon manam dañu jakarlo de du khibla dañu jakarlo rek d'accord a partir du moment où da ngeen tok ngeen wër wala ngeen cercle ngeen def ki wa lolu day tax ngeen jakarlo sa mbokk julit ñi d'accord donc ça veut dire que fofu khibla bi waratu la voilà lolu manam buñu togué lolu lay wax ni buñu nekké ci mbolo double qibla dotul nekati règle bi comme ki tukki double qibla du règle bi d'accord et cetera d'accord a part du mo ñu ngi mbolo voilà double qibla bi du nekati exactement règle bi li charte bi lenn la moy dané la boy werd da ngay tok ñaarel bi mom moy do yam ci tok mais da nga wara double qibla lool moy benen bi mais nak limi teki aussi mom moy da nga wara nek non seulement da nga wara djublu khibla da nga wara tok ben ñaaral bi moy da nga wara djublu khibla ñettel bi mom moy da nga wara voilà manam lool moy ñaar kon lool la da nga wara tok djublu khibla mais lool nonu dañ koy dindi ci situation yi mom la la wax ñaar exception bu ndeuk bi moy ngay tukki même bu fekente ne tukki bi dafa jégué lool ndax bobu dañuy différencier entre julli bi ak lan julli ge koor bi ak lan ak werde bi manam li tamit benen différence la moy liñ doon wax sank que ni julli ak werde même bu ñuy nurowé am nañ différence tout de même am nañ ay différence bokku na ci différence kon bi gissone nañ benen différence sank moy ban ci japp moy wala moy japp bi d'accord pour jigen ji amna benen wala bi itam bok na ci différence moy tukki bi legui nak ak wala bok charte bi tam day teggeku su fekke nit ñi dañoo tok di hadara wala ñuy wazifa nek mbolo mbolo kon lool la leer condition bi la way ñaar exception voilà d'accord ok kon ñu am fofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.